Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est un contour de l'exo. R.I.G. 90.7. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet avec une voix légèrement rock'n'roll ce soir, un petit peu voilée, mais on va faire avec. Et c'est la saga des Fab Four numéro 413. J'espère que vous allez mieux que moi. On va essayer de tenir le coup pendant 2 heures jusqu'à 22 heures. Et c'est un live ce soir, puisque c'est ainsi que j'ai décidé. Eric, lui, fait des lives le premier mercredi du mois. Moi, je fais des lives de temps à autre. Et là, on imagine donc que nous sommes dans une dimension parallèle dans laquelle George Harrison, et John Lennon sont toujours vivants et décident de venir à Bordeaux, au stade, de façon à pouvoir faire un show exceptionnel à Bordeaux. Les places sont vendues de toute façon. Et la playlist, eh bien, je suis le seul à la connaître, puisque RIG est partenaire de ce tour spécial qui s'appelle la saga des Fab Four Tour. Tant qu'à faire, pourquoi pas. Et vous verrez bien le thème de ce soir. Déjà, on en a parlé pendant la semaine sur le site La Saga des Fab Four sur Facebook. Il n'y a pas Live and Let Die, ça vous le savez. Qui va être leader? Est-ce qu'il va y avoir plus de McCartney que de George Harrison, que de Starr ou que de John Lennon? Oui, c'est probable, parce que c'est lui qui a fait quand même le plus de live, donc c'est quand même plus facile. Mais on imagine qu'ils sont à tous les quatre, et moi, malheureusement, je vais abandonner un petit peu la parole, parce que c'est franchement très difficile pour moi de parler. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est c'est vraiment très très dur. Donc il va y avoir plein de chansons que vous connaissez. Ce sera très très bien. Et je vous propose de vous retrouver, de nous retrouver, parce que là j'ai pas besoin d'utiliser ma gorge, sur le site La Saga des Fab Four sur Facebook, de façon à pouvoir parler. Voilà. Bon, bah écoutez, on laisse filer le générique jusqu'au bout et on reparle juste au moment où ça va transférer au stade de Bordeaux pour le direct avec le live. Le show commence pile à l'heure avec Please Please Me sur RIG. Thank you. Et là, c'est Norwegian Wood, si je ne me trompe pas. This Bird Has Flown. Vous êtes sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles, avec une voix un petit peu bizarre, mais on va dire que je suis un petit peu enrhumé. Ah ben non, c'est tout. Donc apparemment, c'était juste une sorte de petite intermède, comme ça. Ça, c'est Chains. Chains, my baby's got me locked up in chains. Par George Harrison sur le disque et également là en live. Vous savez que le prince Harry et Meghan ont appelé leur fils Archie Harrison et je sais pas, mais je me rappelle pas de leur nom de famille, tiens, ça me dit, je sais pas. Donc Archie Harrison, voilà, ils auraient pu l'appeler par exemple Paul John Ringo Harrison et puis je sais pas quoi, ça aurait été sympa. La suite du concert, c'est tout de suite. Honey, don't. C'est à ce moment-là que les quatre se présentent et donc j'ai baissé le son de façon à ce qu'on puisse passer à autre chose. Ils disent comme d'habitude, on est content d'être à Bordeaux et comment allez-vous, le public, blablabla, etc. Et donc pendant ce temps-là, nous allons faire une petite promo pour vous guider si jamais vous avez besoin de tout savoir sur les Beatles. Il faut aller voir le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. She lives on 20th floor of town. The elevator's broken down, but I walk on to that midnight boat. 5, 6, and by the boat. I'm on 12 and I'm starting to sash. 15 floor, I'm ready to drop. Get to the top, or I'm too tired to rub. Well, she called me up on the telephone. Come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet. I'm in bed with the aching feet. Swam for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked on to that midnight boat. 5, 6, and by the midnight boat. On 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drop. Get to the top, or I'm too tired to run. To fix, I'm using the stairs. I hope they hurry before it's too late. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. You find my car straight over the rail. And I'm all on to that midnight boat. 5, 6, and midnight boat. On 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drain. I'll get you to the top. Well, I'm too tired to roll. C'est avec cette chanson que Paul McCartney avait passé son examen d'entrée pour les Quarrymen en 1957. Well, little bit little upset, but she's a nice ass a bit. Yes, you can say she was attractively built. Say she was attractively built. See, Dorothy Pam. So good looking, but she looks like a man. You should say it and try it, and then apologize to bed. But you should see Dorothy Pam. See, Dorothy Pam. Get a dose of bed and Jack with some kill. She's killer tiller when she's dressed to the hill. I'm the kind of the girl that makes the news of the web. Yes, you could say she was attractively built. Oh. Don't say better jackals and kills. Dilla dilla when she's just in the hills. I'm the kind of the girl that makes the news of the web. John est d'humeur amusée ce soir. Ah, la première version de Jealous Guy avec d'autres paroles, Child of Nature. Dreaming more or less.

silver screen. Now you're always on it, alone, alone, it easy. Da da da, now honey pie. You were driving me frantic, sail across the Atlantic to be where you belong. Da da da. Now will the wind that blew her boat away to sea kindly send her sailing back to me? Now, honey pie, my position is tragic. Come on, show me the magic of your Hollywood song. C'est relativement unplugged sur RIG 90.7. Vous êtes sur RIG et c'est la saga numéro 413 que vous écoutez. Ringo Starr maintenant avec Yellow Submarine. Projecteur reste braqué sur Ringo. Apparemment, c'est lui qui va continuer. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man.

star est déchaîné et les trois autres Beatles, John, George et Paul, font mine de s'en aller. Et Ringo vient de dire, quel est mon nom ? Ringo, eh bien, il est prêt encore, Ringo, à en faire une de plus. Don't go where the roads don't go, sur la RG. Écoutez le live de RIG, le live de la saga des Fab Four numéro 413 avec pour moi une voix pas facile à passer, mais je fais le maximum, comme on disait avant dans une publicité. Voici la suite avec Glad All Over, chanté par Carl Perkins et George Harrison, qui sont sur scène. You know that one. But I don't remember the words of these. Yeah. Célèbre rire de Carl Perkins. Ouh, ça vient de loin, là, ça vient de très loin. J'espère que vous aimez. On a eu un show de Ringo. McCartney va certainement prendre le lead dans pas très très longtemps. Mais pour l'instant, retour de Ringo avec It Don't Come Easy. J'ai reconnu les premières notes. Vous êtes sur RIG 90.7 le mercredi. C'est la radio des Beatles. Shout or leap about, you can't even play them easy. Open up your heart, let's come together. Use a little love and we will make it work out better. I don't ask for much, I only want trust, and you know it don't come easy. And this love of mine, fantastic. I'm McCartney, très en forme sur RG dans la saga des Femmes Fortes numéro 413 que vous écoutez en ce moment. C'est un live volontaire. Les quatre sont ensemble à Bordeaux, on imagine ça, et c'est vraiment très très chouette. Prédominance de Ringo Starr pendant un certain temps, et là il se trouve que c'est Paul McCartney qui est mis en avant. Et ça, c'est The Long and Winding Road, à coup sûr. Just

again. I've never known the likes of this. I've been alone and I have missed things that kept out of sight. But other girls were never quite like this. Déjà une heure de concert et Paul McCartney n'a pas envie de s'en aller apparemment, donc il va continuer encore pendant peut-être une ou deux chansons et puis il laissera la place forcément à quelqu'un d'autre. Oh, Here, There and Everywhere sur RG. Paul, allez, retourne derrière et va boire un thé. Maintenant, c'est à moi de travailler un peu. Et il le fait. A Waiting on Your Heart sur RG. You don't need love. No passport, and you don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. You open up your heart, you see he's right there. You always want some will be, believe you with your girl. We'll be right back. don't need no. You don't need no. You don't need no rules to be so important. To be to see that you are born. If you open up your heart. I'd like to continue with a song from a member of the band, old friend of mine, Billy Preston. Sleeping while my guitar le retour de Ringo avec Oh My Mind, chanson créée en 1973. To see what's the matter. He said, come on over. I said, do I have to? And he started shaking. My wrist started aching. When my doctor said to me, let me hear it. She blew in just like a tornado. When they started dancing, I jumped off the table. My lips started healing, and as I was leaving, this is what they said to me. Que vous écoutez sur 90.7 ou sur www.rigfm.fr. La mission s'appelle La saga des Fab Four. Elle existe depuis 1984 et de temps en temps, il y a un live qui se passe à Bordeaux, fait par John Paul, Ringo et George. En voici la plus parfaite évocation avec du rock'n'roll. Paperback Writer, Paul McCartney sur RIG. this morning, and she was not in sight. It might be the body, but I hope that it was not to see her. is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music on the very come to me, speaking words of wisdom, let it be. La radio des Beatles. C'est encore Paul McCartney. That was me sur la RIG. That was me at the scout camp in a school play, spinning monkey by the sea. That was me. That was me playing conkers at the bus stop on a blanket in a blue bell. That was me. That was me. Royal Iris on the river, Percy beating with the band. That was me. That was me. Sweating cobwebs on the contract in a cellar on TV. Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? A ticking, I'll

But all I got is a photograph, and I realize Ringo Starr, qui pourrait tenir deux heures sans problème pour faire un live, parce qu'il est vraiment, il a de très très bons titres. Et là, c'est Paul qui s'y remet avec Flame and Pie sur RG. Shirt and zip my fly. Oh, go ahead, have a vision. This song's more about why we're here, apart from rocking and that. All right, I'm getting things on. Rappelez-vous, il y a 50 ans déjà, sur le toit. Don't let me down. that she really loved. Yes, yeah, she does. Yes, yeah, she does. And if somebody ever really loved. Hey, Jude, don't be afraid. pour moi parce que je n'en peux plus. Oui, j'ai chanté un peu, mais heureusement, le micro fermé. Merci, au revoir, à la prochaine fois. En meilleure forme, j'espère. Ciao. En fait, pas d'Eric juste après. Pourtant, il est 22h. Je finissais juste à l'heure, mais il reviendra la semaine prochaine. Et lui, il sera en forme. C'est promis. Salut.